bénéfices, que c'est triste. Si on grimpe, on sera heureux parce qu'on vient d'en bas. J'ai monté le niveau parce que personne m'entendait. Je les connais, mes classiques dans le rap français. Pour montrer ce que j'ai dans les tripes, j'irai jusqu'à mes ventres. Sale pute, on vise le but avec mes trois potes. Arbo, si je suis toujours là, c'est que j'ai pas le pactole. Sale folle, elle veut de l'alcool, elle veut pas ta bite. Elle veut monter dans le diamant, elle veut pas toi dans sa vie. À l'antenne, on regardait pas c'est quoi tes habits. Dans ce monde, on regarde pas les défauts quand ça brille. Sahbi, nous on nique nos vies entières à cause des aveux. C'est un fils de pute, le fiston de ton baveux. La pyramide, la Darnesse, la rotonde, Léo Lagrange. Division Leclerc, mon mousseau là-bas, les Rotarange. C'est Hela à la divise, agent Cad Maurice Torres. Y'a plein de fautes qu'on a commises, mais y'en a très peu qu'on regrette. On veut du shit de l'époque, celui de la R32. Les gens, ils avaient peur de venir à Vénitieux. Mais voilà, c'est plus pareil, je sais pas si ça se la rate. Des gens, je connais, sont morts, ou bien ils ont pris des peines à la rate. Depuis des années qu'on est collé au béton. Ouais, ouais, les mecs de Lyon, on aime trop la rébellion. Ouais, ouais, après la rate, sachez même plus ce que je t'ai dit. Fourgon, brique, un seul casse à 9 millions. Si on grimpe, on sera heureux parce qu'on vient d'en bas. J'ai monté le niveau parce que personne m'entendait. Je les connais, mes classiques dans le rap français. Pour montrer ce que j'ai dans les tripes, j'irai jusqu'à mes ventres. Sale pute,